me suis endormi sur mes rêves fanés. Me suis évanoui sur mes espoirs rêvés. Je me suis endormi sur vos lèvres suaves, perdu telle une épave sur vos corps endurcis. Je me suis endormi sur vos désirs fanés. Me suis évanoui sur vos yeux éblouis, sur vos cœurs indécis. Je me suis assoupi sur mes vieilles audaces. Je me suis engourdi dans mes propres impasses. Je me suis endormi sur vos longues absences, perdu dans mes errances, accroché à nos rêves, accroché à nos rires. Le temps s'est suspendu, accroché à nos dires. Mon âme s'est tarie, mon cœur endolori. Paix sur vos vies, à vous, à nous, à vous. Je me suis endormi sur mes rêves fanés. Me suis évanoui sur mes espoirs rêvés. Je me suis endormi sur vos tendres ivresses, sur les plus belles caresses que la vie nous propose. Je me suis endormi sur nos désirs éteints. Me suis évanoui sur les flammes d'amour qui brûlaient nuit et jour. Paix sur vos vies, à vous, à nous, à vous, à vous.